calé dans ma banquette. Je cours des jours heureux. J'entends écho de quête. Non, je suis amoureux. Chérie, chérie, tu viens me jouer du saxo. Oh, quête, qu'est-ce que je tiens? Ce n'est qu'un verre de trop. Ce jour-là, place de la Concorde, ce bassiste avec toi, comme il pleuvait des cordes. Arrête, chérie, arrête, mais j'ai froid dans le dos. Alors je tire sur Kate, mais pas un solo. Je me plante au fond d'une bouteille et je lance au creux de ton oreille un SOS salé ou sucré, souvenir oublié. Je me plante dans le bord de Marseille. Je me plante au fond d'une bouteille et je lance au creux de ton oreille. D'une bouteille, je lance au creux de ton oreille. SOS, salé ou sucré, souvenir oublié. Bercé du clapotis des vagues anonymes, je m'endors à midi d'un dernier verre de gin. Tu viens chérie, me donner du pain. Autour de minuit, je sens mon instrument. Cette salope de Lily m'en a fait voir de trop. Maintenant que ma vie s'en va piano, piano. C'est 100 francs, Charlie, mais j'ai froid dans le dos. Alors je quitte Lily, me barre en solo. Je me plante dans le port de Marseille. Je me plante au fond d'une bouteille. Je lance au creux de ton oreille un SOS salé ou sucré, souvenir oublié. Je me plante dans le port de Marseille. Je me plante au fond d'une bouteille. Et je lance au creux de ton oreille un SOS sorry. Sorrow, souvenir à zéro. Je me planque dans le port de Marseille. Je me plante au fond d'une bouteille. Je lance au creux de ton oreille. SOS, salé ou sucré, souvenir. Dans le port de Marseille, au fond d'une bouteille, au creux de ton oreille.